Dans ce cas, les bénéficiaires devraient être les premiers à pleurer. Mais qui pleure actuellement? Je vous renvoie la question. Non, ce sont les patrons des ONG qui vont pleurer au Quai d'Orsay à Paris. Peut-être parce qu'ils ont été très nombreux. Ce n'est ni le Mali en tant qu'État, ni les Maliens qui pleurent. Donc, c'est celui qui pleure qui profite de l'affaire. C'est-à-dire que la dynamique des les ONG sont des outils géopolitiques. Ce sont des militaires d'un autre genre. Ils font ce qu'on appelle la guerre philanthropique. Mais c'est la guerre. On t'oblige à accepter qu'on est en train de t'aider. Si tu refuses de l'aide, on coupe ta tête. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui a besoin d'aide, on va même créer. On va inventer les pauvres, on va inventer la nécessité d'aider. Afrique Média, le monde, c'est nous.